Que ce soit clair, oui, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Telle ou telle a dit ceci, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne.